Bonjour, c'est à l'Apéro Show. Retrouvez-moi dans Génération Musique, l'émission de toutes les générations, de 18h à 19h sur Radio Fréquence Zik. Découvrez des nouveaux artistes, redécouvrez des anciens succès, c'est ça, Génération Musique. Je compte sur vous les amis, le lundi, mardi et jeudi, de 18h à 19h et bien sûr sur Radio Fréquence Zik. Génération Musique, l'émission de toutes les générations.